qu'on est devenu hackos. Qu'est-ce que t'en penses? Un jour la vie nous baisse après, elle nous récompense. Entre les vrais, les balances, j'augmente la cadence. Mes pères épaissis se résument d'amour et de violence. Je me relance vers une nouvelle vie. J'ai pris des années, j'ai perdu les amis, j'ai commis de mauvaises choses. Incompris, j'augmente la dose. J'ai vu la vie en rouge en espérant qu'elle se rapproche du rose. Qu'est-ce que passé sur terre, je suis ailleurs. J'écris, je me relis, je pose pour être le meilleur. Et je monte la pente, je veux toujours faire bien, voilà pourquoi je me plante. J'accueille mon destin et j'aime ma vie. Je pense déjà au prénom de mon fils et de ma fille. J'ai des choses à dire donc je crie. Je peux pas changer mon passé, vu qu'il est déjà écrit.